fait, vous disent les patrons. Bonne année, bonne fête, te dit ton patron, en te remettant ton paquet cadeau. Bonne fête, te dit l'affiche publicitaire. Bonne fête, te dit la vitrine du grand magasin qui t'invite à dépenser les dernières lires de ton 13e mois, sur lesquelles la direction a déjà fait ses retenues, comme à la Saint-Gobain, à cause des grèves. Bonne fête, nous a dit Apollo 8. Plusieurs milliards de dollars jetés autour de la Lune au nom du progrès de l'humanité, pendant que même aux États-Unis, des millions d'hommes crèvent la faim et le froid. Mais pour les fêtes, nous avons les mousseaux et les panettones. Bonne fête, te disent les arbres lumineux, surchargés d'ampoules, sur toutes les places. Bonne fête, soyez sages. Les fêtes sont les mêmes pour tous, pour les patrons et pour l'ouvrier, à Casa Integrazione, pour le docteur Fabrice, au grand hôtel de Cortina, et pour l'ouvrier licencié de Marzotto, pour les patrons de Monte Edison, et pour la vendeuse qui doit sourire deux fois plus que de raison pour vendre le triple. Bonne fête, ouvriers, travailleurs, étudiants, disent les patrons. Pensez à boire, manger, vous amuser. Oubliez que 1968 est l'année de mes Français, des luttes de masse des étudiants, de la Tchécoslovaquie, de l'intensification de la révolte des peuples du tiers-monde. Oubliez qu'il y a quelques semaines à peine, la police a massacré deux journaliers à Avalon, a tabassé les prolétaires en lutte dans des centaines de manifestations. Bonne fête, répètent les patrons. Dépensez vos 13e mois, achetez vos marchandises de Noël. Offrez-les-vous les uns les autres. Il faut que nos magasins vendent, que nos produits soient consommés. La chose la plus monstrueuse est celle-ci, la tentative de nous rendre complices de notre exploitation, de nous rendre esclaves et heureux, le grand spectacle du nouvel an. Les protagonistes, ce sont les exploiteurs, les puissants, les parasites, prêts à gaspiller en une soirée ce qui suffit à des milliers de familles pour vivre une année entière. Leur divertissement ne suffit pas, il leur faut aussi un public. Ils ont besoin de ceux qui sont quotidiennement défaits de leur richesse et de leur pouvoir. Eh bien, camarades, faisons-leur donc leur fête à nos patrons. Allons tous à la Bussola, à la Capannina, chez Oliviero. Allez voir défiler avec leurs femmes à la nouvelle robe à un demi-million. À consommer un repas à 50 000 lires, accompagné de 50 000 lires de champagne. Mais il n'est pas dit que la fête réussisse. À qui se demande que nous réserve la nouvelle année? Comme s'il s'agissait de prévoir les événements naturels, il n'y a qu'une seule réponse. La nouvelle année ne nous réservera que ce que nous serons gagnés. Laissons le champagne au patron. Nous... Nous avons les tomates. Lottavano così come si gioca, I cuccioli del maggio era normale. Loro avevano il tempo anche per la galera, ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur les ondes de Radio Galère 88.4 pour ce sixième épisode, je crois, de Che Casino Però Ci Voleva, Quel Bordel Mais C'était Nécessaire, qui revient tous les mois sur les épisodes des luttes autonomes en Italie depuis l'après-guerre, mais ça c'était il y a longtemps, jusqu'à on sait pas où, on verra bien. Du coup, le texte qu'on vient de lire, c'était des extraits de tracts d'un groupe qui s'appelait Il Potere Operaio, Le Pouvoir Ouvrier, qui ont été écrits le 29 et le 30 décembre 1968, donc à la veille du Nouvel An, qui fait passer de 68 à 69, ce qui allait très bien avec notre transition d'épisode, puisque la dernière fois, on a parlé de 1968, des occupations étudiantes, des facs, des mouvements qui se rapprochaient entre les ouvriers et les étudiants, un peu tout ça. Et donc cette année 69, disons, qui, on va voir comment tout ça est porté par les vents libertaires, anti-hiérarchiques et du coup la continuité des mouvements que vont se donner toutes ces occupations, toutes ces grèves dans les usines. Parce que, au contraire de 68 en France et ailleurs, même si ça, en France ça a continué un peu avec la gauche prolétarienne, la nouvelle résistance populaire et tout ça, ça s'est quand même pas mal calmé, tandis qu'en Italie, ça a continué très longtemps et en 69 ça s'est beaucoup intensifié. Et avant de commencer, un petit mot pour dire qu'il y a des camarades qui ont été arrêtés en Espagne, à Madrid, 13 ou 14 anarchistes qui ont été arrêtés là à Madrid il y a une semaine. C'est la deuxième phase de l'opération Pandora. Et du coup, voilà, c'était juste pour dire allez chercher des informations là-dessus. Et si vous pouvez montrer un peu de solidarité avec ces gens-là, c'est chouette. Et donc, pourquoi on a choisi ce texte? C'est parce qu'il parle donc de la boussola qui marque la transition entre 1968 et 1969, vu que ça se passe au Nouvel An, et aussi parce que ça revient sur des épisodes dont on n'a pas parlé la dernière fois, notamment quelque chose qui se passe en Sicile, dans un bled qui s'appelle Avola. Voilà. Et Avola, ben, bonne année justement, qui arrive, mais cette année a commencé par un mois de décembre dur en Sicile. À Avola, une commune dans la province de Syracuse, qui est déjà le théâtre depuis quelque temps d'une série de manifestations organisées par les travailleurs agricoles de la région, qui veulent éliminer le caporalato, une organisation criminelle exploitant illégalement de la basse main-d'œuvre, et qui désire également l'abolition de la commission syndicale pour le contrôle du placement de la main-d'œuvre, bien évidemment corrompue. Cette série de manifestations va tourner au drame lors de la grève du 2 décembre. Il y a un blocage de route qui était organisé donc par les travailleurs. Les forces de l'ordre intervinrent pour demander le déblocage, ce que les manifestants refusèrent. Et contre les pierres, des manifestants s'opposèrent les fusils et les pistolets des policiers tirés à hauteur d'homme. Angelo Sigona et Giuseppe Cibilia trouvèrent la mort. Il y eut une quarantaine de blessés, dont 5 graves. Suite à ces luttes, seront abolies les conditions salariales qui condamnaient les travailleurs méridionaux à un traitement différent que ceux du reste du pays. Donc on a une unification du pays qui commence sur les conditions salariales. Et également, ces manifestations en Sicile marquent toute l'Italie, comme on le voit dans ce texte écrit par Il Potere Operaio, qui parle également de la boussola. Et donc ce qui les relie, notamment à Avola, ce qu'on appelle la strage di Avola, donc le massacre de Avola, et cette manifestation devant la boussola. Donc la boussola, il faut savoir que c'est une salle de spectacle à Viareggio, qui est dans les environs de Pise, où dans la nuit du 31 décembre donc, et le 1er janvier 1969, il y a le mouvement étudiant et ouvrier qui va se confronter aux riches. Des jeunes arrivent de toute la Toscane et des régions alentours dès les premières heures de la soirée, et la situation reste plus ou moins sous contrôle, malgré des crachats, quelques tomates qui partent et tout ça, jusqu'à ce que la situation dégénère et que la police, là aussi, commence à tirer dans la foule. Et donc là encore, il y aura des blessés, et non pas un mort comme on l'avait annoncé la dernière fois par erreur, mais un blessé grave quand même, hein, qui est... Ton micro ne marche pas, il faut que tu parles dans l'autre. On disait que pour une fois, ça va mieux de ce qu'on pensait. Donc la personne qui était blessée à la boussole, en fait, elle est encore vivante, elle est toujours paralysée, paraplégique, mais bon. Donc, ça il a même participé aux Paralympiades, comme ça, pour la chronique. Et il a été touché dans le dos par une balle qui, du coup, lui a cassé, enfin, qui lui a touché la colonne, un truc comme ça. Et du fait d'avoir gagné les Jeux Paralympiques, donc Soriano Ceccanti, qui avait 16 ans à l'époque, il s'est fait retirer sa carte d'invalidité, je crois, parce qu'il avait gagné 3 fois les Jeux Paralympiques, un truc comme ça. Donc Soriano, si tu nous écoutes... Ça s'est passé il y a 2-3 ans. C'était un... Et donc voilà, le passage entre 68 et 69, à travers ces deux épisodes, celui d'Avola et celui de la Boussola, ça marque un renforcement de la répression très fort, où les gens ne s'attendaient pas à ce que les flics tirent dans la... Enfin, à ce qu'ils tirent à balles réelles dans la foule. Oui. Et bon, après, comme ça, pour... disons l'histoire de la Koutoum, la Boussola, donc c'est un local sur... en Versilia, qui c'est un lieu de vacances et de loisirs, disons, de la moyenne bourgeoisie, etc., comme on entend dire dans ce texte de Les Pouvoirs Ouvriers. Et donc, par exemple, dans cette nuit où la contestation s'est déroulée, il y avait des artistes italiens et internationaux qui devaient jouer, comme par exemple Fred Bongusto, mais aussi Shirley Bassey. Mais il faut dire aussi que après la lecture de ces textes, on a entendu un petit bout d'une chanson de Lucio Battisti, Una Ventura. Bon, donc ça se fait vraiment partie, il n'y a absolument rien de politique dans ces chanteurs, mais ça fait vraiment partie de la connaissance de la plupart des Italiens. Et donc c'était pour dire que la chanson, elle dit, ça ne sera pas un simple aventure, ça ne va pas durer qu'un printemps. Donc ça faisait un peu référence, dont on a parlé la dernière fois, sur le mai 68, et sur le 68, Valle Giulia en Italie. Et suite à Battisti, on a entendu encore une fois Fabrizio De André, que la dernière fois on a écouté dans la canzone del Maggio. Et il faut savoir aussi que... Et qui du coup, lui, pour le coup, faisait des chansons qui étaient beaucoup plus politisées et tout ça. Oui. Mais où le détail amusant, c'est justement... Que il n'avait jamais fait un concert live jusqu'à... Quand tu te souviens? 73 ou 72. Jusqu'au 73. Et où c'était? Et c'était à la Boussola, justement. Et... Donc, tout ça parce que, pour se réaliser, la dernière fois, on a parlé beaucoup des contradictions, disons, de la relation entre les intellectuels, les mouvements, les intellectuels, les gens qui produisent de la culture, de la chanson, de la poésie, de la littérature et les luttes politiques. Et bien voilà, Fabrizio De André, ça nous plaît, nous on l'aime bien, il y a plein de choses bien, mais il est aussi complètement dans cette contradiction, par exemple, dans ces cas-là. Et puis lui, on peut dire du mal de lui, peu de chance qu'il nous écoute, vu qu'il est mort. Au contraire de Soriano. Et lui aussi, en 1968, comme on l'avait dit l'autre fois, il avait aussi été en contraste avec les mouvements, parce que dans l'année en fait de la contestation, lui, il avait sorti son album alors qu'il a été considéré comme très près des mouvements tout le temps, des étudiants, et il était très attentif à tout ce qui se passait dans la société pour les raconter après dans ses chansons. Il avait sorti justement un album qui parlait de la vie de Jésus, en fait. Et du coup, on va dire les étudiants et tout son public et les mouvements, il a commencé à les critiquer. Mais en fait, avec un peu de recul, on peut voir aussi dans son album une histoire que c'est pas celle de Jésus, mais c'est aussi de la rébellion de la figure personnelle de Jésus à l'époque, qui était en contraste avec les pouvoirs de l'époque, et aussi avec qui allait contre les traditions de l'époque. Mais bon, pour rester toujours dans la thématique de l'automne chaud, après de donc raconter comment est-ce que c'est le printemps, il n'a pas duré qu'un printemps, mais ça a continué, et notamment comme après cet épisode de la Boussola où les tomates balancées par les manifestants se sont vues faire face à des balles tirées par les flics. Et donc on verra aujourd'hui comment ça a posé à l'intérieur du mouvement, ce qui après a donné naissance à tous les différents groupes extra-parlementaires qui notamment ont commencé à discuter, qui se sont séparés, qui se sont créés beaucoup sur la question notamment de l'organisation. Et ça sera aussi à partir de ce moment qu'il y a tous les groupes armés qui commencent à se former. Et bon, on peut commencer à parler de lutte armée et donc à la question aussi de la violence et de la répression et de qui et comment dans la dynamique entre la lutte et ces méthodes et la répression de l'État disons, dans un certain sens, fait monter les niveaux de conflit et les niveaux de la violence. Mais avant tout ça, donc on va écouter peut-être une chanson, vu qu'après on a beaucoup à dire. Attends, peut-être et... juste avant, pour rajouter juste un petit truc sur justement la violence et la répression. Oui. Comme on disait que là, les gens ne s'attendaient pas du tout à... Enfin, on disait que le passage entre 68 et 69, avec les morts de Avola et de la Boussola, c'est... et du coup les blessés graves de la Boussola, ça faisait une répression qui semblait vraiment accrue. En fait, il faut dire que c'est une nouvelle génération qui voit une répression forte s'abattre sur elle. Parce que juste pour rappel, entre 46 et 68, il y a 129 personnes qui ont été tuées par la police au cours de manifestations. Sauf que là, du coup, après 68, avec tous les mouvements étudiants et tout ça, il y a aussi des nouvelles générations qui viennent participer aux luttes, qui rentrent dans les usines. Et donc cette nouvelle génération-là, elle fait face pour la première fois à cette répression à balles réelles de la police. Oui, alors qu'au début des années 50 et à la fin des années 40, on se rappelle là, par exemple, l'armée avait tiré sur la manifestation en Sicile et il y avait déjà eu ce genre de répression. Ouais. C'était bien. Oui, bah, on a l'impression en fait, qu'il y a une sorte de guerre de l'État et à l'activisme politique à cette nouvelle génération, si on regarde le nombre de mortes et de blessés dans ces années. Et, mais ça, on le verra peut-être après. On a aussi l'impression que l'État il fasse vraiment une sorte de guerre aux travailleurs, aux ouvriers, parce qu'on verra que dans ces années-là, il y a toute une série de réformes qui se met en place, notamment en 69. Donc il y a un gouvernement, c'est encore une fois la démocratie chrétienne qui est au gouvernement, dans une coalition avec les partis socialistes. Il y a toute une série de réformes qu'on appelle les réformes structurelles qui sont faites et qui regardent des thèmes sociaux comme des bases, comme comme le logement, la santé, et aussi toute une série de réformes et les taxes, notamment les impôts, les impôts sur le travail et donc sur les travailleurs. Et donc ça sera... aussi la réponse à toutes ces réformes qui se mettent en place, qui constituera, disons, l'un des points chauds de toute la contestation et des luttes qui s'intensifient en ces moments. Mais donc, avant de parler de tout ça, on a écouté avant Una Ventura de Lucio Battisti qui a chanté cette chanson au Festival de Sanremo en 1969. Et la même année, au Festival de Sanremo, il y avait aussi une très jeune Nada, Nada Malanima, qui a 15 ans, a chanté cette chanson au Festival de Sanremo, Ma che freddo fa, mais comme il fait froid. Et donc on va parler des Autumn Show. Bon, un peu comme toutes les chansons chantées par des chanteuses dans ces années-là, parlent d'un amour fini mal et de quelqu'un qui l'a maltraité. C'est assez intéressant, mais presque toutes les chansons parlent de ça en ce moment. Et voilà, donc on va écouter Nada et puis on reviendra sur l'Autumn Show. Bah, pas que l'automne, l'année show, on va dire, 1969. Comme son nom l'indique. Canta Nada. Il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, oh, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì. T'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che poi non ha più. E senza il vento, meglio vento, come le foglie le speranze tutte giù. Ma questa vita cos'è? Che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà. Bienvenue sur les fréquences de Radio Galère avec Que Casino, que ci, però ci voleva, l'émission sur les luttes autonomes de, en Italie. Aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, on va parler de l'année 1969 et surtout de l'automne chaud. C'est l'automne caractérisé par le renouvellement des contrats de travail dans les usines. Du coup, l'Italie, quand on parle d'usines, notamment, on pense à Pirelli à Milan, l'usine de la Fiat à Turin. Et ils ont été les deux, peut-être les deux usines les plus touchées au cours de l'année de 1969. Après, il y a Porto Marghera, enfin, et Porto Marghera aussi. Et toutes les usines, en particulier les usines du Nord, ont été caractérisées par des mouvements de protestation, des grèves généralisées, des mobilisations tout au long de l'année. Et les luttes ouvrières de 1969 qui sont parvenues à obtenir le renouvellement des contrats de l'automne chaud qui a suivi ont été l'un des phénomènes de mobilisation, peut-être des mobilisations collectives les plus consistants jamais venues en Italie. En Europe, il y avait eu des mouvements d'une telle ampleur. Peut-être en France en 1968, en Angleterre pendant l'année 26. Mais de toute façon, jamais aucune entreprise, aucune usine a eu une telle importance pour son propre pays comme la Fiat a eu en Italie. En plus, elle avait un intérêt stratégique pour tout le monde, dans le sens où le complexe Fiat de Mirafiori, c'était le plus grand complexe industriel de toute l'Europe. Et donc, il y avait quoi ? Il y avait 100 000 ouvriers, quelque chose comme ça. Voilà, du coup, ça conditionnait largement la vie sociale du pays. On verra aussi dans les années 70 comment l'aménagement des quartiers ouvriers aussi joue un rôle très important dans les luttes, pour les luttes sociales aussi, parce qu'il y a de nouveaux quartiers qui vont se bâtir pour accueillir ces nouveaux ouvriers qui viennent du sud, la plupart. Et les mouvements de 69 étaient l'une de ces phases historiques qui, pour la radicalisation des transformations, ont assumé un rôle de coupure, de rupture avec l'histoire précédente, parce qu'ils ont accéléré les procès des ruptures, des équilibres persistants entre les patrons et les ouvriers. L'exemple de Mirafiori pour la Fiat a une valeur bien plus grande de la seule dimension torinoise, en fait, parce que ça dépassait largement l'échelle des Turin et ça jouait un rôle important pour toute la vie politique nationale. Il a influencé aussi tous les pays et ça a eu des répercussions directes aussi sur plusieurs aspects de la vie publique, de la vie sociale, et aussi sur les débats économiques, tant que le renouvellement des contrats de travail de l'automne 1969 a été débattu et discuté aussi pendant plusieurs mois en Parlement. Quoi. Et dans le XXe siècle, on peut voir la transition des années 50 et 60, comme une transition aussi sur le rôle de l'ouvrier, qui avant c'était un ouvrier spécifique, du coup spécialisé, du coup pas facilement remplaçable par des autres ouvriers, à un ouvrier plutôt remplaçable qui changeait toujours des tâches parce qu'il fallait juste contrôler des machines ou alors visser des boulons. Et du coup... Et ça, c'est ce dont on a parlé dans les, beaucoup dans les émissions précédentes. Et c'est ce sujet qui a été appelé l'ouvrier en masse. Exact. Par tout ce mouvement théorie, pensée, mais aussi, aussi pratique qui a été l'opéraïsme, dont on va continuer à parler aussi avec la formation des groupes extra-parlementaires. Et du coup, voilà, comme on avait dit avant, si avant la grève, les types de grèves, c'était la grève de l'ouvrier qui ne voulait pas travailler pour augmenter son salaire, vu la possibilité de les remplacer, la forme, on s'était dit aussi avant dans les émissions précédentes, que la forme des grèves la plus utilisée, c'était la grève sauvage, sans prévenir ni les syndicats ni les patrons, et pour bloquer la production parfois dans des secteurs spécifiques, parfois toute l'usine était bloquée. Et en Italie, il y avait déjà eu des conflits très importants, en Pirelli, à Milan, et notamment à Porto Marghera aussi, pendant à la fin de 1268. Et c'était une démonstration que l'ambiance et l'esprit collectif étaient plutôt plus, on va dire, combatifs qu'avant. Du coup, on sentait l'esprit des ouvriers qui allaient changer, mais ils n'avaient pas encore pris une conscience de la puissance qu'ils avaient pour bloquer la production ou pour revendiquer leurs droits. Du coup, la plupart l'explosion de la mobilisation, de la vraie mobilisation, ça démarre en février, pendant 2 mois de février au mois de mars, en début 1969, par exemple, 1600 ouvriers, en début 1969, était déjà en contractation avec la direction pour les passages de catégorie avant Mirafiori. Mais ça n'empêche l'explosion des contractations et des revendications de la part de tous les ouvriers parce qu'au final, on verra que alors que les syndicats ils essayaient de négocier avec les patrons, les chefs d'entreprise, plutôt des passages des cages salariales, du coup des passages des catégories des ouvriers tout au long de la carrière ou alors sous la retraite, la revendication la plus directe qui sortait des ouvriers, c'était la sécurité des endroits de travail, parce que après on va citer aussi des expériences des ouvriers à l'époque où ils disent, par exemple, il n'y a pas de mots pour les décrire, l'usine, on parle de l'usine, ils devaient laisser la pièce avec la pierre ponce et de l'eau dans une telle condition que ça avait l'air de la torture de la goutte. Il travaillait avec l'eau jusqu'aux genoux et quand il devait aller aux toilettes, il la faisait là, tant ça ne changeait rien. Et les ouvriers, du coup, ils étaient obligés à bosser dans des conditions pitoyables, avec les bruits des machines, avec l'odeur de la vernis. Et ils bouffaient de la vernis toute la journée, du coup, et l'une des... De la peinture. Hein? De la peinture, pardon. De la peinture toute la journée. Et du coup, voilà, les usines n'avaient pas encore eu le temps de se moderniser suite aux transformations des moyens de production. Après, je vais t'interrompre un moment juste pour détailler ce qu'est la distinction entre... ce que tu viens de dire, c'est-à-dire les revendications des syndicats et les revendications de toute cette organisation autonome dont on a déjà commencé à parler. Et donc, en fait, si d'un côté, les syndicats, en fait, s'est limité à faire des revendications qui étaient sur des augmentations des salaires, mais proportionnelles. Donc ça rentre carrément dans les plans, disons, capitalistes, parce que faire des augmentations proportionnelles, c'est-à-dire avec des travailleurs qui gagnent de manière différente, c'est une façon de diviser carrément la force de travail et de créer des divisions internes, et donc des intérêts diversifiés et qui ne puissent pas, disons, s'unir potentiellement dans la lutte, alors qu'en fait, à ce moment-là, parce que quand même, avant tu disais, je ne suis pas trop d'accord sur le fait que les ouvriers n'étaient pas encore conscients de leur puissance, parce que comme on avoue la dernière fois, en fait, en 69, on commence déjà à être à un niveau assez, assez fort de cette autonomisation des luttes dont on a commencé à parler depuis la première émission. Et donc, si d'un côté, les syndicats ils revendiquent, font des revendications comme des augmentations des salaires différenciés, proportionnels, etc., ce qui se développe dans les plusieurs endroits, parce que c'est dont on a parlé au début, c'est-à-dire les luttes se développent un peu dans les plusieurs pôles industriels, donc que ce soit Milan, surtout avec la Pirelli, que ce soit Turin avec la Fiat, que ce soit Pisa, comme on a vu auparavant, que ce soit Venise avec les patrocini de Porto Marghera. Donc les revendications sont des augmentations des salaires égales pour tout le monde et surtout le salaire garanti pour tous. Les sujets qui font ces revendications-là, à ce moment-là, c'est ce qu'ils appellent des comités ouvriers étudiantes qui se sont formés un peu partout. Et parce qu'il faut dire aussi qu'à ce moment, il y a une énorme mobilité des militantes qui font, on avoue, on le verra après aussi avec les groupes qui se forment, Potere Operaio, Classe Operaia, les Cahiers Rouges, c'est des gens qui se déplacent beaucoup et qui donc sont vraiment en connexion les uns les autres dans les plusieurs endroits de travail et de lutte. Et donc, voilà, pour vous faire un exemple qui est tiré d'un tract du comité ouvrier étudiant de Porto Marghera qui disait, on avoue, donc en gros, ces groupes, c'est tous les groupes qui, des gens qui sont sortis soit volontairement, soit qui se sont fait expulser du Parti communiste, qui à ce moment-là était plutôt pour réprimer les revendications des travailleurs dans l'idée toujours de l'intérêt général de la société, du progrès, etc. Et donc ces tracts disaient, ils commencent déjà à parler d'autonomie, en disant que l'autonomie ne négocie pas mais impose. Après, ils disent qu'il faut, par exemple, là, à Venise, ils disent les ouvriers de Fiat, Pirelli, Montez, Zonzi, Rumianca, Fatme, etc. Donc, c'est des usines qui sont un peu partout en Italie. Nous indiquent la route à suivre, des assemblées et des comités de base ouvriers, des outils de masse capables de développer au maximum et de donner une organisation stable à l'autonomie ouvrière. Donc, et là, on commence déjà par rapport à ce dont tu parlais sur le travail qui est nuisant. On commence déjà en 69 à parler, en fait, à dire on fait pas des revendications pour que les lieux de travail soient plus mis en sécurité, mais parce qu'en fait c'est pas il y a pas des lieux de travail ou quelques travail qui est nocif. Mais c'est le travail en soi qui est nuisant, parce que c'est pas nous qui on décide quoi produire, comment, pourquoi, etc. Donc ça correspond aussi beaucoup à la culture de la jeunesse qui se développe à cette époque-là, où, pour reprendre des mots un peu des gens qui sont en Allemagne, de quelqu'un qui a été ensuite dans le mouvement du 2 juin, qui était un groupe armé au début des années 70, il disait à la fin des années 60, 68, 69, ce qui caractérisait la culture de la jeunesse un peu dans tous les pays de l'Occident, et même un peu d'ailleurs, c'était avoir les cheveux longs et avoir très peu envie de travailler. Bon, donc voilà, on t'a coupé. Non, mais... voilà, justement. On était justement sous la puissance du syndicat qui, heureusement, en fait, la faiblesse du syndicat, ça a été l'une des choses qui a sauvé les mouvements autonomes des ouvriers, parce que déjà, dès les premières grèves à Turin, par exemple, à Mirafiori, les premières grèves en février, ça a montré déjà la faiblesse du syndicat qui n'arrivait, qui la situation très précaire du syndicat et qui n'arrivait pas à contenir toutes les revendications autonomes des ouvriers. Du coup, les premières grèves de février, elles ont été menées autonomement par les ouvriers contre le travail du samedi après-midi, par exemple, parce que la Fiat voulait introduire le travail le samedi après-midi. Du coup, il y a eu plusieurs jours de grève. Ensuite, en début mars, sur la retraite et l'abolition des catégories des salaires. Et du coup, ça a commencé à monter de secteur en secteur, parce qu'au début, ils commençaient à faire des grèves en secteurs différents. Et après, ils commencent à avoir l'habitude que dès qu'un secteur commence une grève, eh ben, les cortèges commencent à passer dans tous les secteurs de l'usine. Ils ramènent tous les ouvriers, même parfois avec la force. Et il ramène tous les ouvriers aussi pour protection du même mouvement, parce que là, sinon, les ouvriers, les premiers qui démarraient les cortèges, ils étaient punis par les chefs. Et du coup, en ce moment-là, avec les nouveaux ouvriers, les taux de syndicalisation avaient chuté parce qu'il y avait pas mal de nouveaux arrivants dans les usines qui n'étaient pas syndicalisés, ils étaient jeunes et ils n'étaient pas habitués aux conditions de travail, justement parce qu'ils n'avaient pas jamais travaillé. Et du coup, l'organisation des syndicats n'arrivait pas à contenir toutes les revendications des ouvriers et à gérer les nouvelles problématiques posées dans l'usine. Et à partir d'avril, les premières grèves deviennent vraiment massives. Et en mai, les révoltes explosent, surtout à Mirafiori, à Pirelli ou à Porto Marghera. Et là... Je crois, compagno, que je dois t'interrompre parce que c'est l'heure du fucile maintenant. Dédié au patron. Tutto il mondo sta esplodendo, dall'Angola alla Palestina, l'America Latina sta combattendo, la lotta armata vince. In Indocina, in tutto il mondo i popoli acquistano coscienza e nelle piazze scendono con la giusta violenza. E quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile? L'America dei Nixon, degli Ennio McNamara, dalle panzere nere una lezione impara. La civiltà del napalm ai popoli non piace, finché ci son padroni non ci sarà mai pace. La pace dei padroni fa comoda ai padroni, la coesistenza è truffa per farci stare buoni. E quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile? In Spagna ed in Polonia gli operai insegna anche la lotta, non si è fermata mai, contro i padroni uniti, contro il capitalismo, anche se mascherato da un falso socialismo. Gli operai polacchi che hanno scioperato gridavano in corteo polizia Gestapo, gridavano Gomulka, per te finisce male, marciavano cantando l'internazionale. Quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile? Se anche in Europa non stanno più a guardare, la lotta esplode ovunque e non si può fermare. Ovunque barricate, da Burgos a Stettino ed anche qui tra noi, da Avola a Torino, da Orgoso alla Marghera, da Battipaglia a Reggio, la lotta dura avanza, i padroni avranno la peggio. E quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire Ouais, l'ora del fucile, c'est le moment du fucile. Eh ben, et... Pour les gens qui n'ont pas de micro ouvert, non, pour les gens qui ne comprennent pas, ça veut dire l'heure du fusil. Ça disait, l'heure du fusil. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, camarade, pour comprendre que l'heure du fusil est arrivée? Et on a entendu aussi la citation de Battipaglia dans la chanson, parce qu'à Battipaglia, on en profite pour rappeler ce qui s'est passé. C'était une manifestation là, en début avril, justement, on est arrivé en début avril, le 9 avril, à Battipaglia. Il y a eu une grosse manif contre la fermeture d'une industrie, une usine de tabac, et du coup, tous les ouvriers ont commencé à manifester à côté du petit village. C'était un petit village. Et la police, à un moment donné, commence à tirer sur les manifestants. Les manifestants qui voulaient se déplacer, s'étaient rassemblés sur une petite place. Et dès que la police commence d'abord à frapper, après à tirer, Et bien, les manifestants, ils commencent à faire des barricades pour se protéger comme ils pouvaient. Et notamment, c'est emblématique l'image de la gare de Batipaya. Qui est sur notre affiche. Qui est sur notre affiche pour tous ceux qui l'ont vu. Il y a une jolie voiture retournée sur des rails. Et un chien aussi qui se balade comme ça. Et voilà, et suite à l'intervention de la police. Famoso Canescholt. Canescholt. Et suite à l'intervention de la police, il y a eu 2 morts parmi les manifestants et plus de 200 blessés. Et du coup, dans toutes les usines, en solidarité aux ouvriers de Batipaya, il commence à avoir des grèves un peu de partout en Italie. Bah, à propos de cette violence de la répression, je vais vous citer un autre bout d'un tract, toujours qui vient de Porto Marghera, qui dit que la violence avec laquelle s'exprime la lutte ouvrière est, pour l'instant, sensiblement inférieure à la violence subie tous les jours par les ouvriers dans et en dehors de la usine. Pour l'instant. Exactement. Parce qu'il y a l'heure de fusil. Et surtout l'heure des grèves de masse. D'ailleurs, on sait que l'un des slogans les plus connus des pouvoirs ouvriers qui était marqué sur leur mur, c'était « Démocratie, les fusils sur l'épaule des ouvriers ». Le fusil dans le dos des ouvriers. Non, c'est pas ça. Ils se parlent, là, ça veut dire « prêt ». Bon, ok, tant pis, différentes interprétations. Non, c'était plus positif, en fait, comme slogan. C'était « prêt à tirer », pas... Ok. En attendant, les ouvriers de Fiat continuent leur... Voilà, leur négociation, parce que pour l'instant, les ouvriers, ils étaient arrivés à négocier. En fait, l'élection, il y avait des représentants des ouvriers, élus directement par les ouvriers, qui avaient le droit de contrôler, et en accord avec les chefs de l'entreprise, à contrôler les horaires du travail, ou alors discuter sur les négociations un peu moins importantes. Et petit à petit, commence à gagner... Des petits droits, mais c'est justement ces petites revendications qui ne sont pas suffisantes aux ouvriers, et du coup, ils commencent à dépasser énormément les revendications syndicales, et du coup, notamment les délégués par les délégués syndicales dans les usines. Ils commencent à prolonger les grèves. Ils commencent à prolonger les grèves au-delà des limites imposées par les syndicats. Ils commencent à avoir des cortèges internes aux usines pour bloquer tout le travail. On a du 27 mai au 29 mai une intensification des grèves à Mirafiori qui monte en intensité jusqu'au blocage de toute la production le 30 mai. Chaque section a commencé à faire des grèves pour des problèmes spécifiques au secteur. Mais quand il y avait un cortège, ben, tout le monde s'arrêtait et tout le monde faisait la grève. On commence à voir les premiers rapports avec les étudiants, commencent à donner leurs résultats, notamment à Turin avec les étudiants de l'Université de Turin, notamment avec les groupes de Guido Viale, Bobbio, par exemple, à Turin. Et même les groupes qui étaient à Pisa avant d'Adriano Sofri, bien que plus connu pour ce qu'il a fait après, ils s'étaient déplacés à Turin parce qu'il avait déjà remarqué à l'avance l'importance et l'intérêt stratégique de cette lutte en Fiat qui pouvait dépasser en fait la seule dimension de Turin. Et en début mai a commencé la distribution du journal national La Classe, qu'après on va voir, et qui était un peu un moyen de lier tous les ouvriers de l'usine et les étudiants. En fait, les sous-titres de ces journaux, c'était « Journal de lutte ouvrière et étudiante », avec la participation de notamment Oreste Scalzone aussi et des autres. Les indications de ces groupes-là étaient la généralisation des grèves internes et les refus de toute contrattation avec les syndicats, qui étaient vus comme l'ennemi le plus direct, parce qu'ils cherchaient une médiation entre les patrons et les ouvriers. L'un des tracts de la classe, il disait « Tous en lutte, tout de suite. Les luttes, commencées la semaine dernière en Fiat, sont encore en cours. C'est le moment de la lutte. Les Fiat est faible parce qu'en ce moment, elle doit produire au maximum. » Il faut attaquer quand l'ennemi est faible. Il faut s'organiser pour unifier les luttes de tous les ouvriers de la Fiat. Et voilà, du coup, les syndicats ils commencent à se protéger. Du coup, ils commencent à mystifier et à dénoncer les agitateurs un peu. autonomes dans les secteurs de l'usine. Et les syndicats contestaient surtout l'importance que les ouvriers donnaient aux augmentations des salaires, en disant qu'il fallait se focaliser sur des aspects différents et des petites revendications. Et on arrive finalement en juin, quand la Fiat commence à accepter les premières revendications autonomes des ouvriers. Et le même journal La Classe, il définit cette négociation comme « on laisse au chef le droit de virer des ouvriers et d'augmenter le rythme de production à leur discrétion, et aux ouvriers le droit d'être foutus, mais plus informés. » Du coup, les ouvriers, ils se contentent pas trop des miettes, justement. Et du coup, ils commencent, suite à la première assemblée ouvrière et étudiante qui a lieu à Touran le 21 juin 1969, l'assemblée décide de participer au cortège du 3 juillet, le cortège, la manifestation nationale, la grève générale appelée par les syndicats. Le 13 juillet, sous la problématique des loyers, ils profitent pour organiser de façon autonome une manifestation externe à l'usine. Du coup, ils décident de sortir à l'usine pour démontrer et pour lier la thématique des logements à Touran avec celle des augmentations des salaires dans les usines. La manifestation a un succès énorme. Du coup, tous les ouvriers ils participent à la manifestation. Tous les secteurs sont vides et il y a juste très peu, une centaine des ouvriers qui parviennent à rentrer dans l'usine. Mais au dehors de l'usine, la manif n'est pas laissée partir parce qu'au début du cortège, la police charge et commence à charger violemment tous les manifestants. Les gens nous regardaient des fenêtres du Corso Traiano, tandis que le cortège s'avançait. Ils se mettaient au balcon, ils descendaient écouter ce que nous disions. Ils étaient d'accord, parce que c'était tous les ouvriers qui habitaient le quartier. Et puis tout d'un coup, des rangées de flics qui se trouvaient devant nous partent des décharges de grenades lacrymogènes. Mais cette fois, un nombre incroyable, délirant. Ils lançaient même sur les gens. Il y en avait partout. Elles atterrissaient sur les balcons, au premier étage des maisons, et le gaz envahissait les appartements, parce que c'était l'été, et que toutes les fenêtres étaient ouvertes. D'autres grenades atterrissaient sur les autos en stationnement, en les défonçant et les brûlant. Tout ça mettait en rogne les gens qui habitaient par là. Il était 4 heures, et c'était les débuts d'une bataille qui allait durer plus de 12 heures. Les flics dans leurs fourgons blindés entendaient ce bruit continuel, cette formidable pluie de pierres qui tombait sur les fourgons. Et ils ne voulaient pas entendre parler de descendre. Nous avions encerclé tous les véhicules. Nous courions tout autour en leur lançant des pierres. S'ils avaient fait mine de descendre, on les aurait massacrés à coups de bâton. On a aussi essayé de renverser quelques-uns des fourgons. De l'intérieur, les types terrorisés disaient aux chauffeurs de partir. Et de fait, ils ont mis les bouts, tous. À Borgo San Pietro aussi, à Moncalieri et dans d'autres communes de la banlieue sud de Turin, aux dernières nouvelles, il y avait des accrochages. Dans tous les quartiers prolétaires, on se battait. Devant l'université, la violence des charges augmentait et les volets de pierre. La bagarre prenait de l'extension sur le boulevard, dans les rues transversales, sous les portes des maisons. Grenades, corps à corps, arrestations. On décide de se partager en équipe d'intervention et de se diriger vers les différents quartiers de la ville en lutte. Entre autres, pour vérifier jusqu'à quel point les accrochages s'étaient généralisés. Les ouvriers sentaient leur force, ils sentaient qu'il y avait dans toute la ville une explosion populaire. Ils sentaient réellement cette unité. Alors, chacun des cailloux qui étaient lancés sur la police, c'était de la joie, et plus de la rage. Parce qu'en somme, nous étions forts tous ensemble. Nous sentions que la seule façon de vaincre notre ennemi, c'était ça. De le frapper directement, à coups de pierre et de bâton, comme nous faisions. Et voilà. C'était un extrait de, si vous voulez en lire plus, c'est un chouette bouquin de quelqu'un qui s'appelle Nanni Balestrini, qui s'appelle « Nous voulons tout, vogliamo tutto » et qui répond à un slogan fameux de l'époque qui disait « Qu'est-ce qu'on voulait ?»« Nous vogliamo tutto », comme dit le titre de notre affiche. Donc comme on disait, les ouvriers ne se contentent pas du tout des miettes, mais ils veulent tout. Notamment là... tout casser. Et là on écoute Rino Gaetano, vu qu'on a cité Moncalieri, c'est un... à côté de Turin. Cette chanson de Rino Gaetano, Agapito Maltini Ferroviere, qui raconte justement une histoire d'un un jeune du sud qui part au nord pour travailler. un martello. C'è gente che ricorda nel suo cuore errante il misero guadagno del bracciante. Ma una tarda sera partì da Torre a Mare, doveva andare a Roma e dopo ritornare. Pensò di non partire, oppure senza fretta di lasciare il treno a Barletta. Svelò il suo grande piano all'altro macchinista, buono come lui ma meno utopista. Parlò Nous, jeunes extrémistes, n'étions pas bien vus de la masse des ouvriers, dont beaucoup étaient inscrits au PCI. Mais ils n'étaient pas peu nombreux, ceux qui venaient quand même souvent aux réunions que nous faisions, via Carducci, juste à côté des usines Breda, pour discuter des conditions en usine et du coût de la vie. Même si on se trouvait à la même heure, dans le froid du matin, devant l'entrée du premier tour, ou dans l'obscurité du soir à la sortie du deuxième, nous entendions de belles. Trop jeune, nous en entendions de belles. Trop jeune, sans l'obsession de la fiche à pointer et du temps qui manque. Les mains sans cale, les habits sans les taches de gras des machines. Beaucoup venaient de Bergame et des vallées alentour, et souvent, quand les réunions se prolongeaient jusque tard le soir, c'est-à-dire presque toujours, nous les raccompagnions chez eux ensuite, défiant le brouillard de l'autoroute, dans nos Fiat 500, brinque-branlantes. Tout effort et toute fatigue nous semblait légère et justifiée par une révolution qui était à construire jour après jour, en convainquant ouvrier après ouvrier. Pour réussir à mieux le faire, certains d'entre nous cherchèrent à entrer en usine, afin de partager conditions et quotidiennité, et de connaître de l'intérieur ce monde et ses rapports de force que nous voulions renverser et subvertir. Pour ma part, je continuais les études, même si je passais beaucoup de temps en section et devant les portails. Plus que les débats, je me souviens du manque de sommeil chronique. Pour nous, il n'y avait pas de tour de repos, seulement l'essoufflement du militantisme total et totalisant. Avant Fiat, la politique, je m'en foutais. Et là, je voyais les étudiants qui distribuaient des tracts devant les grilles de l'usine. Ils voulaient parler avec les ouvriers. Ça me semblait assez drôle. Je me disais, mais comment ? Ces types qui ont du temps libre pour baiser et se la couler douce, ils viennent devant l'usine, qui est bien la chose la plus dégueulasse qui existe. L'usine, c'est bien ça. La chose la plus absurde, la plus dégueulasse qui existe. Ils viennent ici devant l'usine, mais qu'est-ce qu'ils viennent y foutre ? Ça m'intriguait. À la fin, je pensais que c'était des fous, des couillons, des missionnaires. Et je ne m'intéressais pas à ce qu'ils disaient. Ça, c'était au printemps. En avril, je n'y étais jamais allé aux réunions avec les étudiants. Une fois, je suis allé au 1er mai. Moi, les fêtes du travail, j'ai jamais pu comprendre ça. Non mais c'est une plaisanterie, la fête du travail, la fête des travailleurs. Les travailleurs qui font la fête ? Je n'arrivais pas à me fourrer ça dans la tête. Pourquoi le travail devait être fêté ? Mais puisque lorsque je ne travaillais pas, je ne savais pas quoi faire. Parce que j'étais ouvrier, quelqu'un qui passe la plus grande partie de sa journée en usine. Et le reste du temps, je ne pouvais rien faire d'autre que me reposer en préparation du lendemain. Voilà, donc deux extraits de le dernier, encore une fois, Nous voulons tout, de Nanni Balestrini, et l'autre de Una vita in prima linea, Sergio Seggio, qui nous parle de la difficulté de cette rencontre entre les ouvriers et les étudiantes, mais en fait, comme on vient de voir à ce moment-là, en 1969, cette rencontre, elle est déjà advenue et elle continue, et notamment dans des organismes comme les comités ouvriers et étudiantes. Et encore un extrait d'un tract, par exemple, qui vient toujours de Porto Marghera, où les étudiants des lycées de la ville de Mestre, ils disent pourquoi demain les étudiants vont faire la grève avec les ouvriers. Et là, les étudiants, ils disent, on va voir donc ici, on va passer à voir comment est-ce que cette revendication dont on a parlé sort de l'usine, et cette revendication sociale, elle, on va voir ça après, pas tout de suite. Il faut juste que tu arrêtes de taper avec le poing sur la table. Ouais, c'est... Ah, c'est l'accident. Bah, ça va bien avec le rythme. Mais... Donc on disait que du coup ces luttes elles sortent des revendications purement salariales, etc., et qui s'autonomisent d'un côté, de l'autre c'est un entrelace vachement entre les revendications des étudiants et des ouvriers. Et donc les étudiants des lycées de Maestre, par exemple, ils disaient ils proposent des formes concrètes pour organiser pour s'organiser dans les quartiers pour ne pas payer le loyer. Donc ils disent déjà 51 familles en via boss à Quirignago depuis janvier ne le payent plus les loyers. Les mêmes sont en train de les faire depuis mai, 60 familles dans la ville Mameli à Marghera. La même lutte se prépare à Milano et à La Gardera. Organisons-nous dans les usines et dans les écoles pour ne plus payer les cars. Pour aller à l'usine et à l'école, nous perdons 2 heures par jour. Et en plus que ça, il nous faut même payer. Donc... voilà, on va dire qu'on a dépassé ce premier moment dont Annibale Estini parle dans Nous voulons tout. Et je pense qu'on est en train d'écouter... La ballata de la Fiat. Ah, la ballata de la Fiat, donc non, c'était pas ça. Mais on a aussi un chant très connu, on va dire une chanson anarchiste très connue, qui parle, qui peut nous faire aussi des transitions... Pour parler après plus dans les détails de tous ces moments de grève des loyers, de toutes ces revendications ou plusieurs couches sociales et sujets différents, ces rencontres dans la lutte. C'est Dimmi Bel Giovane. Dimmi Bel Giovane, onesto e biondo. Perché biondo? Dimmi la patria tua quale, tua quale. Adoro il popolo, la mia patria e il mondo. Il pensier libero è la mia fede. È la mia fede. La casa è di chi l'abita, è vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. La casa è di chi l'abita, è vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora. Et donc, c'est la naissance de ce fameux slogan « La maison est à qui l'habite » et là, le loyer ne se paye pas. La casa si prende, la fitta non si paga. Que tous les gens dans les studios, ils n'ont pas voulu chanter. Bien, un petit moi, je ne la connais pas. Tout le monde. On va peut-être les faire par la non. suite. Mais on n'attendait que toi. Ouais. Tu ne connais pas la chanson, mais tu connais bien le sujet. Tu n'as pas mis le karaoké non plus. Alors maintenant, on va parler de... plus globalement des autoréductions, comme ça a été dit. Alors les autoréductions, c'est un mot large pour parler de tout ce qui fait de ne pas payer ou de demander une réduction de taxes, de loyers, ou simplement de demander de moins payer, payer moins cher les courses, etc. Voire de ne pas payer du tout. Exiger plutôt. Exiger. C'est, ouais. C'est pas dire est-ce que tu peux me faire payer moins cher, c'est je paye moins cher. Parce que quand exactement. On disait l'autonomie, on ne négocie pas, impose. Donc ça sert. Donc là, on va parler de Rome, parce que c'est un exemple assez important en 69. Mais comme ça a été dit, les mêmes expériences existent dans plein d'autres villes. Donc dans le triangle industriel du Nord, mais aussi dans le Sud, par exemple à Naples et dans d'autres villes. Et en Angleterre, en Allemagne, dans tout le monde. J'ai fait allusion pour la Sicile tout à l'heure. Voilà. Alors là, on va parler spécifiquement des occupations de maisons, donc en gros des squats. Alors pourquoi ? Parce qu'à partir de 69, à Rome, il y a un énorme mouvement d'occupation de maisons. Alors pourquoi ? Et bah, c'est parce que en fait, dans les années 60, donc comme ça a été dit, comme on l'a dit plein de fois, les flux migratoires augmentent énormément. Et de manière générale, il y a un exode rural qui arrive dans les villes. Alors certains se déplacent pour aller dans le nord, mais pas que, il y en a aussi qui vont simplement dans les grosses villes, et Rome explose à ce moment-là en termes de nombre d'habitants. Et parallèlement, il y a une pénurie de logements qui est organisée, qui est très importante. Alors ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a de moins en moins d'investissements publics pour les HLM, donc les habitats à loyer modéré, et qu'en même temps, disons, les gros capitalistes financiers qui investissent dans les bâtiments, donc dans le foncier, eh ben, ils jouent la spéculation pour faire monter les loyers, pour essayer de faire plus de fric, mais donc du coup, forcément, il y a moins de gens qui peuvent se les payer. En gros, le mécanisme, c'est comme on laisse les logements vides, il y a beaucoup plus de demandes avec moins d'offres, et donc on peut faire augmenter les loyers, chose qui n'a pas beaucoup changé de nos jours, et qui justifie d'ailleurs les mêmes moyens d'action, à savoir l'occupation des maisons. Et des hôtels au centre de ville centre-ville de Marseille, 5 étoiles, par exemple. Et l'autre élément, c'est que pendant les années 60, les luttes pour l'occupation des maisons étaient majoritairement dirigées par le PC. Mais c'était des luttes qui étaient en majorité symboliques. C'est par exemple, on allait squatter un immeuble pour montrer qu'on était dans une situation désastreuse et que du coup, il fallait qu'on entende notre voix pour acquérir un logement. Et ça, c'est quelque chose qui change en 69, c'est-à-dire que c'est une des premières fois où, en gros, il y a un rapport politique qui évolue, où c'est plus de l'ordre de demander, mais c'est de l'ordre de prendre, et de plus forcément passer par le PC. Donc on arrive en 69, donc, où en gros, à Rome, il y a 70 000 prolétaires qui habitent dans la banlieue de la ville, et qui habitent dans des conditions absolument dégueulasses. Donc en gros, c'est des bidonvilles, hein, comme il y a eu pour les générations maghrébines dans les villes françaises. Et parallèlement, il y a 40 000 logements vides, dus au loyer trop cher. Alors, au début de l'été, c'est là que démarrent les sessions d'occupation à Rome. Donc, c'est des occupations sauvages. Il y en a, au début de l'été, il commence à y en avoir plusieurs dizaines. Donc là, dans la banlieue de Rome, proche, et à Ostie également, donc c'est une ville à côté, la police expulse et, étrangement, le mouvement ne se calme pas, mais au contraire, explose. Donc, le jour suivant, il y a 120 logements qui sont squattés tout de suite, et puis dans les jours d'après, ça monte à 400. Et là, c'est la première fois où le PC condamne ouvertement ce mode d'action. Alors qu'avant, dans les années 60, il avait toujours été un peu plus flou, disons. Ouais, ça faisait du temps, quoi. Heureusement, il a fini par y venir, toujours présent. Et dans ces luttes-là, il y a la création de comités de quartier et de comités d'agitation qui vont essayer d'organiser les luttes, mais qui ne sont pas du tout des organes qui viennent d'en haut ou qui cherchent à prendre du contrôle ou à structurer les mouvements, mais qui sont simplement des lieux où les gens se rassemblent et où ils essayent de s'organiser. Alors, en même temps, c'est pas non plus complètement extérieur avec cette idée de négociation, puisque tout en squattant, plusieurs occupants exigent que les logements soient rachetés par la mairie aux promoteurs et loués non pas à un loyer modéré, mais en fonction du salaire. Donc en gros, ils veulent que tout le monde puisse se loger. Alors ensuite, il y a des manifestations qui sont organisées dans la ville par ces comités d'agitation et qui sont suivis par plein de gens qui viennent des banlieues. Et chose encore étonnante par rapport au PC, c'est que le cortège interdit au PC de défiler avec eux, avec leurs banderoles. Et donc du coup, ça s'ensuit... Il interdit le cortège ou les banderoles? Non, c'est la manifestation qui interdit au PC de venir avec ses banderoles. Mais s'ils viennent sans banderoles, ça va? Ouais. Ok. Enfin, les militants du PC, parce qu'évidemment, il y a encore des militants qui sont au PC là-dedans. Suite à cette manif, qui rassemble plusieurs milliers de personnes dans Rome, il y a le comité d'agitation qui décide d'organiser le squat de 500 nouveaux logements qui sont tout fraîchement construits dans la campagne en banlieue de Rome pour les fonctionnaires des ministères romains. Et suite à ça, donc, tous ces logements sont squattés. Et là, l'État contre-attaque et envoie 1500 CRS. Et ça déclenche une bataille qui dure une nuit et une matinée, assez féroce, où il va y avoir plusieurs blessés. Et donc là, l'Assemblée des occupants décide de s'en aller parce que les logements ne sont pas défendables. Ce mouvement va durer un certain nombre de temps, jusqu'à arriver à la fin de l'année où ils vont recommencer à squatter des logements de luxe dans le centre de Rome, puis se refaire virer. Et là, ils vont faire une manifestation et terminer sur la place du Capitole, où ils vont squatter pendant une dizaine de jours, et puis là, le mouvement va s'essouffler. Mais ce qui est intéressant dans ces luttes, c'est que, comme ça a été dit déjà avant, c'est que ça inclut non pas forcément que des ouvriers ou que des étudiants, mais ça inclut des familles qui viennent squatter et qui se mettent en réseau avec d'autres familles, avec d'autres groupes d'habitants, etc. Et on voit vraiment les sujets qui commencent, les sujets, disons, contestataires ou révolutionnaires, qui commencent à se mixer sur la question de l'habitat, qui, entre guillemets, réunit tout le monde. Et j'en profite pour faire un petit rappel, c'est qu'en gros, dans ces familles-là, il ne faut pas penser qu'il y a certaines familles qui ont donné des ouvriers, il y a certaines familles qui ont donné forcément des étudiants, puisque les deux étaient parfois mêlés. Il y a par exemple un fils qui allait faire l'ouvrier et l'autre qui allait faire étudiant. Donc tout ça se rejoint à l'intérieur du noyau de l'habitat. Et à la fin de l'année, cette lutte-là se termine à cause du PC notamment, qui, tout en jouant un peu des coudes, réussit à exiger que la ville rachète aux promoteurs les logements et qu'elle les loue à des loyers modérés. Donc cette lutte-là est terminée, mais il y en aura d'autres plus tard qui vont ne faire qu'augmenter. D'ailleurs, ça nous rappelle ce dont on a parlé la dernière fois avec l'occupation de l'ex-hôtel Commercio à Milan. On avait vu exactement la même dynamique, c'est-à-dire les étudiants et les ouvriers qui occupaient ensemble pour revendiquer le droit à l'habitat, au logement. À quand l'occupation de l'hôtel intercontinental? Peut-être demain. Peut-être que dans le fond de tout ça, vous avez reconnu le camarade Jimmy qui joue à Woodstock. Parce qu'il faut rappeler que 1969, plus largement, c'est l'année de Woodstock et de la récupération de la culture de la contestation par l'industrie, hein, et par le système capitaliste. Oui, mais j'ai l'industrie de la musique, et après Woodstock produira toute la musique contestataire. C'est aussi une récupération qui lui a causé la mort, hein, par overdose dans son vomi. Voilà ce qu'on finit quand on a récupéré, quand même. C'est pas joyeux, quoi. Camarade, que ça soit. Renaud devrait avoir peur. Ouais. Et c'est aussi l'année de la conquête de la Lune, dont nous a parlé Il Potere Operaio dans le texte qu'on a lu au tout début, qui disait pourquoi est-ce qu'on dépense des milliards pour aller sur la Lune pendant que des gens continuent à crever de faim. Par contre, on n'a pas d'audio de la conquête de la Lune. De la conquête de la Lune, dommage. Ça, on a raté. Par contre, on a l'audio, mais je ne sais pas si on a le temps de l'envier, parce que là, c'est tellement chaud qu'il y a trop de choses. Non, donc on va passer, parce qu'on avait l'audio d'extrait d'un film, mais je ne sais pas si vous le mettre ou pas, parce que c'est tard. Bon, donc on parlera la prochaine fois, toujours on reviendra sur la récupération des luttes, sur le changement, la transition entre 68 et 69. Mais donc là, la transition, ça sera plutôt du nord vers le sud. Non. Ouais, en commençant par c'est petit bout de musique. D'ailleurs, on a fait Rome, maintenant on fait la Sicile. Et ouais, on est descendu hein, dans cette émission. Et du coup, là, on va écouter Maura Guerrera, qui chante à Marseille. Beaucoup des chants siciliens et italiens traditionnels. Oui, donc on lui fait un peu de publicité parce qu'on adore, donc c'est trop bien. Pour introduire. Au moins pour introduire cette transition vers le sud. Que tu chantes bien. Yeah. Donc, ce qu'on connaît généralement de l'année 68 en Sicile, ça se résume pour faire un petit retour, 68-69 d'une manière synthétique, mais qu'on reste peu de temps. Ça se résume souvent aux morts du tremblement de terre de Belice de janvier, donc 370 morts, plusieurs blessés, et aux morts tués par la police lors de la grève d'Avola le 2 décembre. Deux dates qui ont l'air de cerner donc le 68 sicilien. Pourtant, là aussi, et particulièrement à Palerme, il y eut le 68 rebelle, c'est-à-dire celui des manifestations, des occupations d'écoles, de facultés, des assemblées autogérées. Bref, tous les gestes et les actes par lesquels on définit généralement 68. On peut dire que le 68 sicilien, il est né en février avec l'occupation de la fac de lettres de Palerme, c'est-à-dire quelques mois après les occupations de Turin, Pise et de Trento, et que dans ce 68 sicilien, on retrouve les standards du 68 national et international, la lutte contre l'autoritarisme, les références et les mythes du Vietnam à la figure du Che, les lectures qui l'alimentèrent, et qu'il est alimentaire, ces références de Marcuse à Fanon, les assemblées permanentes et la formation des groupes de la gauche révolutionnaire. Mais on trouve aussi des caractères spécifiques à la Sicile, ignorés et souvent sous-évalués. En Sicile, l'après-Belice, c'est-à-dire l'après-tremblement de terre, initie une nouvelle vague d'émigration, mais également, d'un autre côté, la volonté de reconstruire quelque chose de nouveau, qui conjuguerait urbanisme et participation. Des projets de vie communautaire naissèrent alors. À Palerme, l'après-tremblement de terre, il va initier, comme il s'est passé à Rome, déjà en 68 à Palerme, la lutte pour le logement, avec l'abandon du centre-ville, ici, l'occupation des quartiers populaires qui émergeaient dans la périphérie, et la formation de comités qui vont gérer les mobilisations et qui vont construire ou essayer de faire vivre les espaces agglomératifs dans un contexte de banlieue dortoir où aucun service ne fonctionnait. C'est pour combler les besoins primaires au départ que se formèrent donc la plupart des groupes qui fonctionnaient de manière unitaire et souvent, comme ailleurs quelquefois, de manière renfermée et divisée. Parmi les autres choses croissantes dans le 68 sicilien, il y a, j'y reviens toujours, les réflexions sur le phénomène mafieux. Elles étaient notamment conduites au sein d'un groupe du Manifesto de Palerme, mais aussi ailleurs. Et c'est aussi dans la suite de 68 qu'est né le terme, pour la première fois, de bourgeoisie mafieuse, suite à une meilleure compréhension du rapport entre mafia et capitalisme. Ce terme apparaît pour la première fois, mais suite à de nombreux groupes de discussion qui ont pris racine en 68, se sont continués en 69, ce terme va apparaître publié en 71 sous la plume de Mario Mineo dans son document nommé pour la constitution du Centre d'initiative communiste en Sicile. Dans ces années existait déjà la commission parlementaire d'enquête sur la mafia instituée en 63 et en son sein, dans les années 68-69, deux thèses commencent à s'opposer. La première, soutenue par la majorité, affirme que la mafia a désormais clos son cycle et s'est transformée en une simple délinquance urbaine, qui serait une délinquance de gang, sans règles et sans racines. C'est ce qu'on dit quand on passe dans les institutions, en général. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est soutenu par la majorité. Mais la seconde est soutenue par des petites minorités de gauche, qui affirment au contraire que la mafia n'est pas morte avec le nouvel âge du capitalisme en Sicile, mais qu'elle s'est juste adaptée aux mutations contextuelles, prenant part aux spéculations immobilières, s'aventurant dans le trafic international ou encore intégrant ses notables à la direction de la démocratie chrétienne, s'accaparant ainsi les marchés publics et se constituant en bourgeoisie d'État. À Palerme en 68 et en 69, d'ailleurs on entend le slogan chez une bonne part du mouvement étudiant, c'était « Sicilia rossa, mafia nella fossa ». Sicile rouge, mafia dans la fosse. Et à Chinisi, le jeune poète Pepino Impastato, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, conduisait sa guerre contre la mafia, contre sa propre famille, qui était notoirement mafieuse. Son oncle était le mafieux, par exemple, qui va être lié plus tard à la Banda della Maliana, à la Pidoué, dont on parlera lors de la stratégie de la tension, et également un chef de la Pizza Connection. Pepino y conjuguait pour cela analyse et contre-information, mobilisation et engagement politique. Les mafieux d'ailleurs ne lui pardonneront pas son engagement contre son propre sang. Il avait 20 ans en 68 et sera assassiné 10 ans plus tard, à 30 ans. Mais du côté de la politique, il avait également des soucis. Beaucoup de dirigeants et de militants ne lui pardonnaient pas sa radicalité. Certains camarades de la gauche qui s'auto-définissaient révolutionnaires ne comprenaient pas l'insistance qu'il avait à combattre un phénomène qu'ils ignoraient parfois ou considéraient comme une antiquité locale. Je vais lire un extrait d'une note autobiographique qu'on a retrouvée après sa mort, mais qui parle de comment il a vécu les années 68 et 69. 68 m'a quasiment pris à l'improviste. Je participais de manière désordonnée aux luttes étudiantes et aux premières occupations. Puis j'adhérais, encore une fois, plus sur le plan émotionnel que politique, aux thèses des nombreux groupes marxistes-léninistes. Je me rappelle bien des luttes de Bountaraisi et de l'extraordinaire mouvement de masse qui a réussi à se construire autour. Ce fut aussi une période de disputes sur la question du parti, ainsi que sur la conception et la construction de la notion même de parti. Un moment fascinant d'approfondissement théorique. À la fin de l'année, j'adhérais à une des branches du Parti communiste d'Italie, marxiste-léniniste. Nous avions alors, dans le contexte sicilien, besoin d'une structure organisative derrière nous, surtout pour des raisons de protection. Je passais alors de manière ininterrompue de sombre désespérance en authentique exaltation créative. Certains jours, je ne parlais plus à personne. Puis je retournais jouer, je proposais. Je vivais dans un état d'incontrôlable schizophrénie. Et les premières réprimandes tombèrent, ainsi que ma première suspension par le parti. Et donc on arrive dans tout ça autour de... On arrive dans les dernières minutes de l'émission. On a beaucoup voulu parler de l'automne chaud, hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais on va arriver jusqu'à l'été à peu près. Et on va développer ça un peu plus la prochaine fois, parce que là, ça va être un peu court. Cet été, il est notamment marqué par la volonté d'un peu tous les militants révolutionnaires et qui avaient participé du coup aux luttes dont on a parlé, les luttes étudiantes, les luttes ouvrières, les luttes de grève des loyers, d'occupation des maisons et tout ça, qui se diffusaient un peu dans tous les sens, de structurer un peu ces luttes autonomes, pas en créant l'énième parti et tout ça, mais en créant du coup plusieurs groupes, ce qu'on va appeler la saison des groupes extra-parlementaires qui va durer de 69. Puisque en gros, en 74, même s'il y en a certains qui vont durer un peu plus longtemps, comme Lotta Continua. Et donc, ils se divisent en plusieurs parties, en plusieurs catégories, on va dire. Il y a un groupe qui va sortir plus ou moins du Parti communiste et qui va se faire expulser en novembre, qui s'appelle Il Manifesto, qui commence qui a des positions proches du Parti communiste, mais extérieures à lui, moins léniniste. Font notamment un journal, un quotidien qui existe toujours. Du même nom. Ça a beaucoup changé, mais bon, c'est notre histoire. C'était mieux avant, comme toujours. Bref, du coup, il y a Il Manifesto qui sort des rangs du Parti communiste et qui finit par s'en faire expulser. De l'autre côté, il y a les fascistes toujours présents qui n'ont pas disparu, en tout cas les néofascistes. Parce qu'il faut rappeler que déjà en 68, il y a une bombe qui avait explosé dans un train qui s'appelait le train Rinascente. Non, c'était pas un train. C'était pas un train ? Bref. Non. La Rinascente, c'est un gros. C'est un peu comme les galeries de Lafayette, quoi, les correspondants italiens. Ok. Bon. Pas grave. Après, il y a aussi des bombes dans des trains. En tout cas, il y a en mars ou en mai 68, du coup, il y a cette bombe qui explose dans la Rinascente. Et en avril 69, le 25 avril, il y a deux bombes qui explosent à l'anniversaire de la résistance dans la gare centrale et au stand Fiera de Milan, suivi le 12 mai par deux bombes à Rome et une à Turin. Plus une autre le 24 juillet dans le palais de justice de Milan, plus le 8 et le 9 août dans des trains pour le coup. Mmh. Et toutes ces bombes-là sont placées par une organisation qui s'appelle Ordine Nuovo. Et donc face à ça, donc on a parlé d'Il Manifesto qui sort des rangs du Parti communiste avant, face à ça, il y a un auteur, éditeur, qui s'appelle Feltrinelli, on en a déjà parlé un peu, c'est une grosse maison d'édition aujourd'hui, un peu dans toute l'Italie, mais qui à l'époque cantonnait beaucoup à la publication de textes révolutionnaires, et notamment d'un style qui était très en vogue à l'époque, à savoir le manuel de guérilla. Notamment les textes de Che Guevara, du coup la guerre de guérilla, blablabla, donc ils sont vendus plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, comme ils disent. Et donc Feltrinelli, il voit Franco en Espagne, il voit Salazar au Portugal, il voit les colonels en Grèce, qui sont donc tous des régimes fascistes, et il voit que ça s'approche en Italie aussi. Et donc dès l'été 69, il écrit un texte qui s'appelle « La menace imminente d'un tournant radical et autoritaire à droite, d'un coup d'État à l'italienne, les raisons, les moyens avec lesquels il sera tenté d'imposer un régime autoritaire en Italie. » Et donc, sur la base de ça, lui, sa théorie, c'est qu'il faut réactiver la lutte antifasciste pour en faire une première étape de la reprise de la lutte révolutionnaire pour le renversement du système capitaliste et donc l'accomplissement de la révolution. En prenant les armes. Ouais. Et du coup, lui, il a créé un groupe qui s'appelle les groupes d'action partisane. Du coup, GAP, comme les GAP qui étaient les groupes d'action patriotique, des groupes de partisans pendant la guerre. Et donc, il dit qu'il faut combattre les fascistes par les armes, au contraire du Parti communiste, qui lui agitait aussi le spectre de ce coup d'État fasciste, mais là pour dire qu'il faut aller que tout le monde se rejoigne, se calme, aille dans les valeurs républicaines, comme on a pu aussi entendre il n'y a pas longtemps, et justement pour vider les mouvements de leur contenu révolutionnaire. Du coup, là, on avait deux conceptions de l'antifascisme et de son utilisation qui étaient très différentes. Donc, tu as eu les Il Manifesto, les GAP, qui vont faire leurs premières élections en 70, on en parlera la prochaine fois, et il y a deux autres groupes qui vont naître d'un congrès. Si tu veux parler du congrès de la classe, Vidya. Oui, bah donc on va continuer cette généalogie qu'on a commencé à peu près presque au début de cette émission. Donc on est toujours dans la au sein de ce qu'on appelle l'opéraïsme. Donc cette expérience est née on a vu au Touraine avec Narrez-vous les cahiers rouges. Et après, c'était répandu à Mestre, Padoue, à Bologne, à Pise, etc. En plus, on avait vu l'expérience des cahiers rouges, j'avais vu déjà une division interne. Donc, des cahiers rouges était sortie une autre revue qui s'appelait Classe ouvrière. Et donc, Classe opéraille, elle aura ses congrès vers la fin de 1969. Ou encore, il y aura à nouveau, disons, deux tendances qui vont sortir de ces congrès. Mais on en a peut-être parlé de manière plus détaillée la prochaine fois. Et donc, notamment, il y aura ce qui avant était la revue Il Potere Operaio, dont on a parlé, dont on a lu l'extrait au début de cette émission, qui se constituera comme groupe. Et de l'autre côté, on aura un autre... Du même nom, Potere Operaio. Et de l'autre côté, on aura... les groupes Lotta Continua qui se forment. Donc, en gros, puis on reviendra sur cette division et sur ce qui comporte chaque groupe. Mais on va dire que Lotta Continua, c'est... Il n'y a plus une idée de... essayer de faire augmenter la conscience des classes des ouvriers. Et en tendance un peu plus, on va dire, dans la gauche extra-parlementaire, un peu plus à droite, dans les années à suivre, il y aura des moments où Lotta Continua appellera à voter, par exemple, le PCI. Mais en tout cas, ils sont un peu plus mouvementistes que Potere Operaio, par exemple. De toute façon, il va y avoir plein de conflits. On en discutera la prochaine fois. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je ne sais pas. Moi, je ne dirais pas qu'ils sont plus mouvementistes. En tout cas, on en parlera ça va gueuler la prochaine fois. Mais donc, au pouvoir ouvrier, il y a plutôt l'idée de l'hégémonie de la lutte ouvrière, disons, au sein de la lutte des mouvements. Potere Operaio se disait partie de l'insurrection. Du coup, Potere Operaio, pour le coup, il se fondait en tant que parti, plus ou moins, même s'ils étaient extra-parlementaires. C'était un parti qui n'allait pas vers le vote. Plus à droite. Hein, voilà, du coup, la prochaine fois, vous allez avoir en direct une grande engueulade parce que je pense qu'ici personne n'est d'accord sur quel groupe il fallait soutenir. On n'avait plus personne. Non, mais la révolution, c'est par exemple, Feltrinelli s'est fait traiter de stalinien par les. De toute façon, on avait prévenu que plus on allait avancer dans le temps, moins on allait être d'accord. Et on va beaucoup parler de la droite la prochaine fois parce que, au-delà de se battre pour savoir si Lotta Continua ou Potere Operaio était le plus à droite. Il y a une bombe qui explose dans Piazza Fontana, qui est à Milan, qui est quelque chose d'assez connu et qui marque vraiment un tournant extrêmement radical parce qu'il y a 14 ou 15 morts et qui, pour tout le monde, c'est vraiment un tournant phénoménal parce que donc, c'est les fascistes qui posent une bombe, plus ou moins, et ça accuse, ils accusent les anarchistes. Et le hashtag brûlerait-il et on va accuse un autre groupe. Sûrement reprendre aussi, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, de cette Autumn Show. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'Autumn Show ? C'est qu'entre septembre et décembre 69, dans les conflits sur le travail, on a dénombré 8396 plaintes, dont 3325 pour occupation illégale d'entreprises, de terrains ou de bâtiments publics, 1712 pour violences privées, 1710 pour occupation des voies ferrées, 1376 pour interruption des services publics, 235 pour blessures volontaires et 179 pour destruction et pillage. Et enfin, 154 pour détention d'armes de guerre et d'explosifs. Là, on parle des mouvements de gauche. Et de quand à quand, juste septembre à décembre De septembre à décembre. Oui, et juste pour rajouter des chiffres, donc en 1969, il y a 302 millions d'heures de travail qui vont perdues dans tout ça. comme ça. 300 millions d'heures de gagner, donc. Oui. Et donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine émission, qui sera le premier mercredi du mois, comme chaque mois. Et en mai, je crois que ça tombe le 6, si quelqu'un... Si notre maestro technique pouvait regarder le calendrier. La problématique pourrait être un peu ma che caldo facce. Donc voilà, rendez-vous le 6 mai sur les ondes de Radio Galère de 16h30 à 18h pour la prochaine émission Che Casino Però Ci Voleva en compagnie de tous nos charmants animateurs Radio Galère qui vous ont promis de l'action. Pour l'hébergement, l'émission Libre Débat pour nous héberger tous les premiers mercredis du mois. Et on va rappeler des événements qui aura lieu prochainement. Ah non, rien va se passer. Non, il se passera rien. Non, c'est, c'est mort là. Et bien, du coup, on fait un petit spot pour une projection la semaine prochaine. Mercredi puis prochain. On va dégager parce qu'il y a une émission après. On est un peu en retard. Tous ceux qui sont intéressés, à 19h30 au kiosque, il y aura la projection Bosa sur l'émigration du Maroc vers l'Europe. Et à 19h30, mercredi 8 avril au kiosque. Et n'oubliez pas, si on passe à la crise, passe à montagne. Passe à montagne. Si la crise ne passe pas. Et on remercie pour ça, spécialement les compagnies annoiate. Et adesso, voilà. Camarades et compagnies annoiate. Ma vogliamo sbrare tutta la vita. À la prochaine. Ciao. La città, un deserto che conosco, tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà, non troverai, fumo un'altra sigaretta e poi me ne andrò senza te, porto con me. Che corri da me, da un'automobile che passa, qualcuno grida da casa, è tutta mia la città, tutta mia la città. Piangerà.